à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive, votre rendez-vous quotidien avec l'actu locale et les événements culturels de votre territoire. Aujourd'hui, notre émission est dédiée à l'un des événements les plus attendus de l'année, le Festival de Jazz en Touraine qui se déroulera du 13 au 22 septembre prochain à Montlouis-sur-Loire. Mais aussi en off dans plusieurs communes alentours, on va en parler dans quelques instants. Je vous propose donc d'explorer ensemble la programmation de ce festival emblématique, découvrir les artistes qui feront vibrer les scènes de l'espace Ligeria ou encore du Magic Mirror. Et pour cela, j'accueille aujourd'hui Claude Garcera, président de l'association du Festival de Jazz en Touraine. Bonjour Claude. Bonjour Marlène. Bienvenue sur l'antenne de Radioactive dans le studio montlouisien. Tout à fait. Merci de ton accueil. Alors le Festival de Jazz en Touraine, ce n'est pas qu'un simple festival, c'est un véritable rendez-vous des amoureux de jazz. On y retrouve des légendes du genre, mais aussi des nouveaux talents qui réinventent cette musique. Un programme très éclectique. Comme chaque édition depuis 38 ans, voilà, nous ouvrons la 38e édition de Jazz en Touraine avec des musiques variées, jazz bien évidemment, mais également des musiques cousines. On pourra en faire un petit tour d'horizon pour montrer l'ouverture du festival à des esthétiques qui sont voisines du jazz, oui. Tout à fait voisines, qu'on ne saurait pas véritablement classer, mais en tous les cas, elles sont les bienvenues, ces esthétiques voisines, à Jazz en Touraine. Alors l'équipe de l'association, elle a un petit peu changé. Vous succédez à Jean-Jacques Filleul, Claude. C'était un président historique de cet événement. Et puis vous accueillez également un nouveau programmateur, Arnaud Bell. Arnaud Bell, tout à fait, qui a succédé à Boris Kurz. Boris Kurz qui est décédé juste après la 37e oui. édition, 10 jours après. Il a tenu, et puis il a lâché prise. Voilà. Et on ouvre le festival le vendredi 13. À 21h avec une soirée hommage à Boris. Ce ne sera pas une soirée pathos, on n'est pas là-dedans, c'est une soirée de fête en tous les cas. C'est ce qu'il aurait voulu et c'est ce qu'on lui doit. Incontestablement, avec les yeux noirs, on en reparlera. Nous étions présents le 5 juin au Petit Faucheux à Tours pour découvrir l'annonce de la programmation. Nous, on la connaît, mais nos auditeurs n'ont peut-être pas encore tous les informations. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette année, Claude ? Est-ce qu'on peut parcourir cette belle programmation ? Oui, tout à fait. Il y a plus de 50 concerts, comme à chaque édition depuis maintenant une dizaine d'années. 50 concerts sur l'espace Ligeria, oui. La salle emblématique de Jazz en Touraine pour 7 concerts. 9 concerts qui se dérouleront au Magic Mirror, qui est cette salle un peu foraine, de bois et de velours, qui est en face de l'espace Ligeria, sur l'esplanade Maurice Culaz. 18 concerts dans le village gourmand, toujours sur l'esplanade Maurice Culaz. Des concerts off, donc des concerts gratuits pour les festivaliers, et 18 autres concerts également dans les communes associées, des concerts gratuits offerts aux populations de ces communes qui se situent plutôt dans le Grand Est Tourangeau, voilà, de Saint-Avertin à Châteauneuf, en passant par Neuilly-le-Lierre, en passant par Nazelles, Amboise, voilà, et par ces mêlées. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu le point sur cette programmation ? On a évoqué vendredi 13 avec une soirée d'ouverture qui sera un hommage à Boris, programmateur de Jazz en Touraine jusqu'en 2023. Ça sera à l'Espace Ligeria. Alors, cette soirée hommage sera à l'Espace Ligeria à 21h avec la reformation unique et exceptionnelle de cette formation emblématique des années 90 à 2000, les Yeux Noirs, une musique zigane yiddish. Mais ils ne seront pas tout seuls. Cette soirée, on l'a appelée carte blanche aux Yeux Noirs. Il y aura également d'autres amis de Boris. Oui. L'équipe des Yeux Noirs était des amis. D'autres amis comme Sébastien Gignot à la guitare, Ludovic Beyer, un magnifique accordéoniste, et également la chanteuse Norig. Voilà, ça va être une belle soirée d'hommage. Eric des Yeux Noirs travaille d'arrache-pied pour recomposer pour cette soirée-là. Ce sera une soirée zigane, puisque à 19h, il y aura Aurore Volquet, avec deux gens, alors je ne prononcerai pas son nom, c'est un serbe, les 4 premières lettres de son nom sont des consonnes, donc je pense qu'il y a un exercice assez compliqué à faire, mais bon voilà, c'est de la musique zigane, Europe de l'Est, Voilà, ça va être une soirée, là aussi une soirée tout à fait chouette. Le partenaire de cette soirée à 19h, c'est le conseil départemental. Et on a souhaité, avec la présidente du conseil départemental, ouvrir cette soirée pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc il y aura une cinquantaine de jeunes de l'aide sociale à l'enfance, accompagnés de leurs éducateurs, de leurs familles d'accueil, qui assisteront à cette soirée. Voilà, donc première soirée vendredi 13, très Tzigane, Manouche, Yiddish, Europe de l'Est, ça va swinguer. Pour les auditeurs qui écoutent la magnifique émission qui est animée par François Nérot, Osez Jazz à tous les étages, il a justement pu diffuser des morceaux des Yeux Noirs et parler assez largement de ce groupe et des artistes qui vont se produire. Une très belle émission que vous pouvez retrouver sur le Facebook de Radioactive notamment. On prolonge, allons-y. Le lendemain, samedi 14, on aura deux événements. Marion Rampal à 19h au Magic Mirror. Mais Marion Rampal fait également une masterclass à 10h avec les élèves de l'école intercommunale de musique. Alors, si les quelques auditeurs souhaitent, non pas participer, mais assister à cette masterclass, c'est possible. Il faut prendre rendez-vous avec Jazz en Touraine et s'inscrire, mais on peut tout à fait assister à cette masterclass. Marion Rampal, qui est une magnifique chanteuse, un peu people maintenant, mais en tous les cas, voilà, elle est très, très, très, très solaire, elle illumine autour d'elle. Et puis à 21h, Ada Freddy qui poursuit une carrière de beatboxing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instrument sur scène, ils sont 8, c'est le corps qui sert d'instrument, la voix et les percussions corporelles, c'est étonnant. Ah, étonnant, c'est absolument étonnant, génial, ouais. Ada Freddy. À Amboise, vous aviez accueilli il y a quelques mois Bassey Ebong, qui est aussi un beatboxer, qui lui est nigérian, mais voilà, c'est dans la même veine. Donc, alors là, il y aura, on a 1200 places, donc là, vous pouvez venir en nombre assister au concert de Fala Freddy, ça va être exceptionnel. Très bien. Le dimanche matin, à 11h30, le traditionnel bal, où on peut également prendre quelques petits gâteaux, voire même un verre de pétillant, si on le souhaite, parce qu'on ne va pas être loin de l'apéro. Et c'est Nirek Mokhtar. Nirek Mokhtar, c'est un prodige du boogie-woogie. Pour ceux qui pensaient que le boogie-woogie, au-delà de la prière du soir, c'était Asmin. Nirek Mokhtar, il a 22 ans, il a commencé le boogie au piano à l'âge de 13-14 ans. Voilà, il se produit partout en France et dans le monde. C'est complètement exceptionnel et absolument pas lassant. Pour ceux qui veulent danser, c'est génial. Pour ceux qui veulent simplement écouter, c'est top également. Donc là, on fait un peu le tour des têtes d'affiche, mais bien évidemment, il y a plein de choses autour, notamment le village gourmand avec des concerts en extérieur qui auront lieu. Tout à fait, des concerts en extérieur. Il y aura alors du jazz, bien évidemment, mais également d'autres esthétiques, comme je l'évoquais en introduction. Je pense en particulier à Ultralight Blazer, qui est une formation un peu connue dans le territoire de l'Est. Sure. Puisque l'un des musiciens est amboisien. Là, on bordaille le hip-hop, mais voilà, d'où les ouvertures, je pense, nécessaires aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des passerelles entre ces différentes esthétiques qui sont classées traditionnellement par les marchands de disques, mais en tous les cas que nous, on souhaite faire vivre concomitamment. Très bien. Moi, je vous encourage à venir également mardi 17 septembre découvrir un ovni qui s'appelle Antonio Lizana. Antonio Lizana, il est espagnol, il est auteur, compositeur, saxophoniste, il a une formation, un quintette, et il fait du flamenco jazz. Alors, flamenco jazz, le flamenco, vous connaissez un peu. Eh bien, c'est la réinterprétation du flamenco en jazz, avec la particularité, une double particularité, à la fois Antonio Lizana chante, il chante du flamenco, et ils sont accompagnés, son groupe est accompagné d'un danseur de flamenco. Alors, pour celles et ceux qui connaissent le sud de l'Espagne, on voit assez régulièrement dans les bars, également dans les rues, des gens qui jouent de la guitare, et puis un danseur sur sa plaque de bois et qui fait taper des pieds. Et bien voilà, il y aura un danseur sur scène également. Ça va être tout à fait original, en tous les cas pour ceux qui aiment les esthétiques hispaniques. Et bien venez mardi 17 septembre assister au concert de Antonio Lizana. Très bien. Nous aux têtes d'affiche, Marlène, 18. C'est Karine Guioc. Oui. Karine Guioc, alors Karine Guioc, vous la connaissez puisqu'elle est présentatrice, animatrice de télévision à M6. Oui. Elle anime le 60 minutes d'M6. Et puis Karine Thuram, vous la connaissez aussi puisque c'est à la fois la maman du petit Marcus et également l'épouse de Lilian. Enfin, c'est alors, au-delà du people, c'est une grande chanteuse. Pour celles et ceux qui ont pensé qu'elle surfait sur sa carrière de journaliste pour faire du jazz, eh bien, venez l'écouter. C'est un hommage à Nina Simone. Elle a une voix qui est profonde, comme celle qu'avait Nina Simone. Ça va être assez exceptionnel aussi comme concert. Elle est accompagnée par Kevin Joubert au piano, Rudy Serrano à la basse et Thilo Bertolo à la batterie. Donc c'est une petite formation et ça va être superbe. Et à 19h, on a Étiquette. Alors voilà, Étiquette, alors elle fait de l'humour, Étiquette, sur son prénom et son nom. Elle est australienne, c'est une chanteuse australienne. Et, bon, elle vit en France, elle vient pas spécialement de Sydney pour Jazz en Touraine, mais elle aurait pu, mais en tous les cas, c'est à ne pas rater non plus pour ceux qui aiment à 19h écouter voilà, des choses un peu originales. Petite parenthèse sur Malabar, qui jouera donc sur la place de la Tour Heurtaux à Amboise à 19h30, pour les amboisiens qui nous écoutent également, un groupe Discafrobeat. Oui, tout à fait. Là aussi, on fait un pas de côté par rapport au jazz traditionnel. N'hésitez pas, amis amboisiens, à venir écouter Malabar. Le concert est gratuit, oui. Il va faire très beau. Et c'est un bel endroit, la Tour Heurtaux, oui. Avant que les travaux ne s'y déroulent, mais ça va être un très très beau concert. À ne pas manquer, le mercredi 18 septembre. On poursuit avec le jeudi 19 septembre avec Roberto Fonseca. On ne le présente plus, Roberto Fonseca, c'est un musicien cubain qui vient avec son nouveau projet qui s'appelle La Grande Diversion. Désolé pour l'accent. Mais il est très bien cet accent. Ouais, je te remercie Marlène. C'est une invitation à un voyage dans l'âge d'or de la musique cubaine. Il a 8 musiciens, il va revisiter les classiques des années 30 et 40. Voilà, avec plusieurs... Il va entremêler les styles du boléro, cha-cha-cha, en passant par la conga, la banera, la mambo, la rumba et le jazz, bien sûr. Ça va être caliente. On n'en doute pas. Mais il y aura de quoi se rafraîchir, rassurez-vous. Tout à fait. À 19h, au Magic Mirror, juste avant, on accueille Jody Stenberg. Jody Stenberg, elle est chanteuse, elle est instrumentiste. Alors, elle aussi, étonnamment, elle est australienne, mais elle aussi, elle vit en France. Et elle a un quartet qui est composé de musiciens locaux, que nous connaissons bien pour les écouter régulièrement au Strapontin. Dont l'un d'entre eux est un éminent batteur montlouisien. Particularité, je ne vous dirai pas son nom, parce que sinon je dis le nom de tout le monde. Particularité du Magic Mirror cette année, les leads sont tous féminins. Voilà, on a souhaité faire une place aux leads féminins, on a souhaité faire une place à la voix également. Ces leads sont chanteuses, mais elles sont aussi instrumentistes. Souvent, les femmes, la musique actuelle, jazz en particulier, sont chanteuses, oui. Elles sont sur la voix. Donc là, elles sont toutes sur la voix, mais elles sont également instrumentistes, toutes. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil qu'on a souhaité faire. Alors, j'en fais la promotion aujourd'hui. Les uns et les autres, et surtout les unes, davantage que les autres, nous diront « mais ouais, c'est complètement normal, donc... Il n'y a pas de raison de mettre les femmes en avant. Voilà, nous, on pense que oui, et c'est important de montrer que les instrumentistes féminines sont peu représentées sur les scènes de musique actuelles ou insuffisamment représentées. Donc, allez-y les filles. Claude, avant de poursuivre sur cette belle programmation, puisqu'il reste encore pas mal de choses à nous annoncer, je vous propose une petite pause en musique, justement, pour aller s'immerger dans l'esprit jazz. Et je vous proposais d'écouter la bonne humeur et l'immense talent de Fada Freddy sur un titre qui s'appelle True and Lies. Je vous propose de découvrir tout de suite. Don't jump too quick. intoxication. Turn off the TV and light up your mind. Read the masquerade between the lines. A whole lot of truth and a whole lot of lies. Things are not always what they look like. A whole lot of truth and a whole lot of lies. Things are not always what they look like. One who speaks louder is not always right. Is often buried amongst the voices. Our leaders lie, no one denies it. Living a humble life has become priceless. A whole lot of truth and a whole lot of lies. Things are not always what they look like. A whole lot of truth and a whole lot of lies. Things are not always what they look like. A whole lot of truth and a whole lot of lies. Things are not always what they look like. A whole lot of truth and a whole lot of lies. Things are not always what they look like. A whole lot of truth and a whole lot of lies. Things are not always what they look like. A whole lot of truth. Fada Freddy, True and Lies, un immense talent que vous retrouverez sur la scène de l'espace Ligeria dans le cadre du festival de jazz en Touraine. Ce sera le samedi 14 septembre à 21h. N'hésitez pas d'ores et déjà à réserver vos places parce que ça va partir vite. Je suis aujourd'hui en compagnie de Claude Garcera, président de l'association du festival de jazz en Touraine. Et Claude, qui nous propose une présentation de ce programme. Nous en étions, me semble-t-il, au vendredi 20. Nous arrivons au vendredi 20. Le vendredi 20, au Magic Mirror, à 19h, un autre ovni qui s'appelle Moonlight Benjamin. C'est une chanteuse vaudou. Alors, c'est entre blues et musique haïtienne. Elle est accompagnée, entre autres, par Mathis Pascoe, qui est un grand guitariste, déjà venu d'ailleurs à Jazz en Touraine avec Hugues Coleman il y a quelques années. C'est étonnant. Alors, sur scène, ils sont très vaudous. Voilà, c'est une forme de blues réinterprétée et c'est tout à fait étonnant. Dès 21h, une autre grande chanteuse qui s'appelle Fatoumata Diawara, ouais. Qui est connue, hein. C'est une chanteuse, elle est compositrice, elle est malienne, elle a une énergie communicative avec ses sonorités afro-folk. On aime bien donner une forme de classification qui ressemble à rien d'ailleurs, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on l'a traduit en écoutant Fatoumata Diawara. Et elle rayonne sur scène, elle est aujourd'hui l'une des voix les plus influentes dans le paysage artistique du continent africain. Voilà, Fatoumata Diawara a quitté le Mali à l'âge de 18 ans pour échapper à un mariage forcé. Elle vit en France depuis, mais voilà, c'est une grande chanteuse et une belle voix du continent africain. À découvrir absolument le 20 septembre. Il reste quelques places pour Fatoumata Diawara. Dépêchez-vous. C'est noté. Le samedi 21 septembre. Alors là, plein de choses en cette journée. Plein de choses le samedi 21 septembre. Alors, on se le redit, le samedi et le dimanche, l'après-midi, il y a des concerts tout au long de l'après-midi à l'espace gourmand. Également dans les autres communes, donc vous regardez sur le programme, hein, sur le site de Jazz en Touraine, dans votre commune, ce qui se passe. Mais le samedi et le dimanche sur le village gourmand, eh bien, il y a des concerts toute l'après-midi, à partir de 13h30 le dimanche et à partir de 16h. Le samedi à 21h au Magic Mirror, nous aurons Sarah Lenka, voilà, une jeune chanteuse qui a une voix chaude. Voilà, c'est les générations montantes, donc c'est plutôt intéressant d'aller écouter ces jeunes artistes. Et à 21h à l'espace Ligeria, c'est Jeanne Haddad. Alors Jeanne Haddad, elle a été formée au conservatoire, elle est passée par le chant lyrique, mais elle s'illustre tout d'abord sur la scène jazz. Oui. Tout d'abord sur la jazz, avec un esprit rock qui déjà la caractérise. En fait, c'est avec cette volonté de transcender les genres qui a fait d'elle l'une des artistes les plus intéressantes des musiques actuelles. Alors, elle est très connue plutôt sur le rock, sur le pop, mais en guise de retour aux sources pour quelques concerts, dont celui de jazz en Touraine, Jeanne reviendra à ses premières amours jazz en nous proposant une réinterprétation intimiste de ses tubes, accompagné par Bruno Röder au piano et deux choristes. Très bien, un beau rendez-vous encore. Un nouveau beau rendez-vous. Et dimanche matin, le bal brunch habituel avec un groupe toulousain qui s'appelle Polichinelle en italien. Mm-hmm. Voilà. Donc à l'image du Polichinelle de la Commedia dell'Arte, les musiciens proposent leur propre composition travaillée, intégrant différents vocabulaires interprétés, empruntés au jazz, au rock, mais aussi aux musiques du monde, à la valse. Donc de quoi danser également sur ces musiques avec des artistes voilà, un peu enlevés pour quelques-uns d'entre eux. Ça va être superbe. Et Jazz en Touraine, c'est aussi les à côté de Jazz en Touraine. Il y a la programmation dont nous nous sommes parlé, il y a la programmation du off. Dans la programmation du off, trois particularités. On a fait une carte blanche au Petit Faucheux et à Jazz à Tours, en mettant une jeune formation à l'honneur qui s'appelle Assirema. Donc Assirema jouera à 19h15 dès le vendredi 13 sur l'esplanade Maurice Culaz. Donc c'est à découvrir des jeunes artistes qui ont été repérés par ces deux associations amis et partenaires. De jazz en Touraine. Deux autres originalités. Le big band du lycée Paul-Louis Courier, alors qui vient chaque année, mais là, voilà, c'est à découvrir ces jeunes musiciens qui vont jouer dimanche à 13h15, le premier dimanche, c'est-à-dire le dimanche 15 septembre. Et cette année, l'école de musique intercommunale, pareil, a souhaité rejoindre Jazz en Touraine pour présenter un premier concert. Ils sont en train d'y travailler. Alors, ils y ont travaillé déjà avant de partir en vacances, mais ils continuent. Et ils joueront donc le dimanche 22 septembre à 13h15, voilà, sur la scène du village gourmand, l'école de musique intercommunale de Touraine-Est-Vallée. Là aussi, c'est vraiment à découvrir ces jeunes formations, des jeunes en formation. Il n'y a pas que des jeunes, mais ils sont en formation. Et voilà, on va passer des bons moments avec ces artistes. Une autre originalité dans le off, hein, c'est Cinnamono. Cinnamono, c'est un groupe lituanien, alors qui vient spécialement sur Jazz en Touraine. Ils sont à Vilnius et il y a un comité de jumelage entre la ville de La Croix-en-Touraine et Vilnius où ils font des rencontres régulières. D'accord. Et du coup, bah, ils ont invité Cinnamono à venir jouer à La Croix-en-Touraine, dans le cadre de Jazz en Touraine, mais également sur l'esplanade Maurice Culaz. Et ce sera le vendredi 20 à 19h15. Ça s'appelle Cinnamono. Super. On est vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Ah, oui. Et pour ceux, Marlène, qui aiment les vinyles et les vieux vinyles. Une émission exceptionnelle. Une émission exceptionnelle. Jazz in Vinyl. Jazz in Vinyl. Donc, c'est une émission de Radioactive, hein, que l'on met à l'honneur et qu'on remercie. On suivra bien évidemment l'événement de près. Alors, je parle du festival dans sa globalité, puisqu'on proposera différents rendez-vous, des interviews d'artistes, et puis cette émission effectivement exceptionnelle qui sera en direct de la médiathèque de Montlouis, Stéphane Hessel, avec François Néraud, puisque c'est notre expert, notre animateur de l'émission Osez Jazz à tous les étages, que l'on retrouve, pour rappel, tous les lundis à partir de 19h. Et je vous rends la parole, Claude. Pour dire que François Néraud est aussi un administrateur de Jazz en Touraine. C'est la passerelle entre Radioactive et Jazz en Touraine. Alors, il y a d'autres passerelles, mais en tous les cas, celle-ci en est une. Il est une connaissance, c'est un puits de science musicale, ce garçon. Il connaît absolument tout, il est absolument incollable. Il passe ses soirées en concert. C'est un garçon étonnant de gentillesse, d'humilité. Il en parle d'une manière absolument fabuleuse. C'est-à-dire que c'est bien d'aller assister à des spectacles, d'observer des choses, de découvrir des nouveaux talents, mais d'en parler après, c'est pas toujours si simple. Et François, lui, il a les mots. Ses analyses sont très fines. Suivez François Néraud sur Facebook. Dès qu'il assiste à un concert, immédiatement après, il est minuit et demi et il écrit 2 pages sur Facebook. C'est un petit peu le Didier Doc Pilote aussi de Radioactive, notamment. Et toujours à la médiathèque Stéphane Hessel, il y a une exposition des affiches de Jazz en Touraine. Alors, il n'y a pas les 38 affiches, puisque l'espace d'exposition n'est pas suffisamment important, mais il y a une bonne vingtaine d'affiches. Venez les découvrir, amis montlouisiens, mais d'ailleurs également ces affiches qui ont ponctué Jazz en Touraine depuis sa création. Et notamment sur le programme, on peut retrouver en filigrane le visage de Boris. Alors ça, c'est quelque chose de très touchant pour ceux qui l'ont connu, sur le visuel de la carte blanche des yeux noirs, où on retrouve une sorte de pochoir, où le visage de Boris apparaît en fond, et ça, c'est très joli. C'est une œuvre qui a été réalisée par Sylvain Garrigue, qui est un graphiste qui a travaillé avec Boris. Et voilà, qui a offert à son épouse et à nous-mêmes la possibilité de mettre ce visage stylisé de Boris avec tous ses instruments. Un grand merci à Sylvain Garrigue. C'est magnifique. Vous allez assister à tous les spectacles, Claude, en tant que président ? Oui. Oui, j'adore ça. Pur de jazz. Vraiment, oui, tout à fait. Alors, tous les spectacles au Magic Mirror et à Ligeria, et quelques-uns d'entre eux, notamment les après-midi, des samedis et des dimanches sur le village et les bal brunch également. Pas forcément à l'intégralité des concerts, mais je suis sur le site en permanence avec toute l'équipe de Jazz en Touraine, une trentaine d'administrateurs, une dizaine de membres du bureau, une équipe bénévole de 140 personnes cette année. On remercie les nouveaux bénévoles, parce qu'on avait une réunion hier soir avec tout plein de nouveaux. C'était très chouette. Voilà, donc il y a un renouvellement qui s'opère aussi tranquillement. On a fait un peu le tour des différents postes à pourvoir. On a remercié les plus anciens qui sont toujours bénévoles. Jazz en Touraine, ils sont encore 5 ou 6 à être présents depuis 38 ans. C'est super. Voilà, c'est extraordinaire d'avoir autour de nous ces gens extrêmement engagés dans la vie locale en général, mais Jazz en Touraine en particulier. Mmh. C'est une belle aventure de vivre un festival de l'intérieur aussi. On en sait quelque chose sur Radioactive, avec les courants, bien sûr. C'est une aventure humaine exceptionnelle. Est-ce qu'il y a un petit coup de cœur quand même, Claude, à titre personnel, même si on se doute que vous validez l'entièreté de la programmation, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vraiment, un rendez-vous que vous attendez plus particulièrement avec impatience? Moi, j'attends cette soirée d'ouverture, clairement. Voilà, retrouver les yeux noirs. Mmh. On avait assisté à leur concert à Montlouis, une petite vingtaine d'années maintenant. Amboise aussi, ils avaient joué à Beaumarchais, j'y étais d'ailleurs. Et moi, j'ai hâte de les retrouver dans cette formation originale. Alors, ils avaient joué aux obsèques de Boris. Oui. Voilà, ils avaient joué tous les trois. C'était un moment d'émotion, et là ça va être un moment de fête. Voilà, ça va être chouette avec Sébastien, Ludovic et puis Noig. Comment on fait pour réserver, Claude ? Eh bien, on va sur le site jazzentouraine.com et on peut acheter les billets directement sur le site. On peut les acheter à la FNAC également. On peut également les acheter sur le site de l'Office de tourisme Mont-Louis-Vouvray. Et puis, on peut venir le soir même parce qu'on n'a pas eu le temps, on ne sait pas bien ce qu'on allait faire. Et on vient le soir même à la billetterie qui ouvre à partir de 18h. Pour acheter les billets qui vont bien. Alors il y a une soirée qui est complète, c'est celle du jeudi 19 avec Roberto Fonseca. Mmh. Donc cette soirée-là n'est plus... il n'est plus possible de la réserver. Alors regardez quand même, quand vous êtes sur le site, jetez un coup d'œil, parce que parfois il y a des désistements, du coup on rembourse les billets, donc il y a toujours un peu de mouvement. Donc jetez quand même un œil au cas où, mais celle-ci, soit elle est complète, soit elle va l'être très, très rapidement. Mais vous pouvez aussi tenter votre chance le jour même, parce qu'il y a des partenaires qui est partenaire du festival qui nous disent, bah non, finalement, on devait être 80, on est que 70, donc on met 10 billets en vente. Ah oui. Donc il y a toujours la possibilité de venir Il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir, jusqu'au bout. Alors, les places sont assises, à l'exception du 14 septembre. À l'exception... Alors, le 14 septembre, les places assises, elles sont toutes vendues. D'accord. Il reste des places debout, voilà. Mais sinon, toutes les autres places, sur l'espace Ligeria, sont assises, elles sont numérotées. Mm-hmm. Donc, vous n'avez pas à venir dépotrominer pour attendre une place. Voilà, vous l'avez choisi en plus sur le site. Voilà. Au Magic Mirror, les places ne sont pas réservées, c'est un placement libre. Donc là, c'est plus facile. Très bien, ben merci beaucoup Claude d'être venu nous présenter l'intégralité de cette belle programmation, une programmation avec la griffe d'Arnaud Bell, le nouveau programmateur évidemment, et puis de l'équipe du Festival de Jazz en Touraine. On se reverra sans doute prochainement, puisque j'imagine que les grands soirs sont déjà en train d'émerger. Alors, on va faire une pause sur les grands soirs. Oui, d'accord. On va faire une pause, Marlène, parce que bon, voilà... On a souhaité, avec le c'est une co-réalisation, hein, Ville de Mont-Louis, Jazz en Touraine. Avec l'association. Voilà, donc on a souhaité faire une pause d'une année. Après le décès de Boris, ça nous a un peu compliqué la programmation. Le programmateur de la Ville de Mont-Louis, qui est François Bureau... Qui était François Bureau. Oui. Voilà, François Bureau. À qui on souhaite une retraite méritée. Une retraite longue, heureuse et méritée. Donc, François est parti. Voilà. Mm. Et donc, il a été remplacé par une jeune femme, Gaëlle Poncet. Mais voilà, donc, il faut qu'on reprenne nos marques sans trop déstabiliser et l'équipe de la ville et l'équipe de Jazz Antoine. Très bien. Bon, on se reverra quand même très bientôt. On se reverra très bientôt, Marlène. Merci Claude, merci d'avoir présenté tout ce programme du Festival de Jazz en Touraine. On peut rappeler les dates, hein, puisque ça démarrera à partir du 13 septembre et jusqu'au 22 à Mont-Louis notamment, mais aussi, comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, dans plusieurs communes alentour, et puis au Magic Mirror, bien sûr. Bien, merci beaucoup Claude, on vous souhaite un superbe 38e festival. Merci Marlène. On va se quitter en musique avec Jeanne Hadet. Voilà, pour se mettre en bouche. C'est la fin de cette émission, à très bientôt. Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas. Tout ne va pas bien, mais ce n'est qu'un au revoir, au moins jusqu'à demain. Je ne te l'apprends pas, le contraire de tout n'est pas rien. Je sais, le goût est amer. Je sais, tu crois que je m'en vais. reçois mon